Troisième partie. Exposition d'art celte. Que dit la pancarte? Objet découvert dans la vallée de la Marne. Vase celte du 4e siècle avant Jésus-Christ. Regardez ces outils dans la vitrine. Et ces pièces de monnaie. Et ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des couteaux. À cette époque-là, je crois qu'on mangeait avec ses doigts. Il n'y avait pas encore de cuillère, de fourchette ni de couteau. Du moins, je ne crois pas. Et ça, qu'est-ce que c'est? On dirait une assiette avec un manche. Non, c'est plutôt un miroir en bronze poli. Oui, c'est ça. Miroir. Regardez tous ces bijoux. Les belles femmes de l'époque avaient besoin de miroirs pour admirer ces magnifiques bijoux. Et ça, c'est un peigne. C'est émouvant de voir ça. Vous ne trouvez pas? Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des ossements? Des os de cerf sculptés. Vous n'enviez pas les archéologues qui font de telles découvertes?